Salatu selam ala Rasulillah. Le thème de la parole d'aujourd'hui, inshallah, autour de Salat al-Fajr, la prière de l'aube. Louange à Allah, louange à Allah, le tout clément, le tout miséricordieux, le tout puissant. Nous le louons et nous le remercions pour ses grâces et ses bienfaits. Celui qu'Allah guide sur la bonne voie, personne ne peut l'en dévier. Et celui qu'Allah en dévie, personne ne peut lui guider. Nous nous en remettons à Allah du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Témoignant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé, nous témoignons que notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son prophète et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens et ses compagnons. Chers frères, la semaine dernière, nous avons parlé des bienfaits de la prière du vendredi et ce que Allah réserve à ceux qui la respectent. Aujourd'hui, nous allons parler avec l'aide d'Allah des bienfaits de la prière du Fajr, la prière de l'aube, Salat al-Fajr comme Salat al-Subh. Chers frères, vous n'êtes pas sans savoir que le fait d'être assidu à toutes les prières est une grande grâce. Notre Seigneur, qu'il soit loué, a dit « Soyez assidus aux prières » et surtout la prière médiane, al-Asr, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Al-Baqarah 230. Discuter et parler de l'assiduité à la prière de l'aube, al-Fajr, a une valeur spéciale pour deux considérations. D'abord, tout ce que cette prière a de plus que les autres prières. Ensuite, pour la négligence dont certains croyants font preuve à son égard. La prière du Fajr est négligée par beaucoup à cause de la faiblesse de la foi et de la soumission des cœurs à Satan et au désir de la vie. Certains veille tard la nuit pour s'amuser et regarder les feuilletons télévisés, des émissions et d'autres matchs de foot. Puis se couche tard et se lève tard, négligeant ce dont Allah leur a fait obligation. Serviteurs d'Allah, je vous invite à prendre connaissance des bienfaits dont Allah a spécifié la prière de l'aube, Salat al-Fajr. Les bienfaits de cette prière dans la vie sont nombreux. Allah a dit « Accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fais aussi la lecture du Coran à l'aube car la lecture du Coran à l'aube a des témoins. » Sura 78. Cela veut dire « C'est la prière du moment où le soleil commence à s'incliner jusqu'à l'arrivée de l'obscurité. Il s'agit là donc des prières de Dhuhr, l'Asr, le Maghrib et de l'Isha. Puis Allah a parlé de Salat al-Fajr à part. Il a parlé du Coran de l'aube qui a des témoins. Il s'agit là de la prière de l'aube. Cette prière a des témoins, car elle a lieu au moment où les anges de la nuit et les anges du jour se réunissent, sont réunis avant que les anges de la nuit ne montent au ciel. D'après Abi Huraira, Allah le bénisse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des anges de la nuit et des anges de la journée s'alternent parmi vous, et ils se réunissent à la prière du matin et à la prière du rassemblement. C'est-à-dire la prière du milieu de l'après-midi. Puis les anges qui étaient parmi vous montent au ciel, et Allah leur demande, alors qu'il sait mieux qu'eux et plus qu'eux, comment avez-vous laissé les serviteurs? Et les anges répondent, nous les avons laissés en train de prier, et nous les avons trouvés en arrivant en train de prier unanimement authentique. Alors, frère, sœur, acceptes-tu d'être parmi ceux contre qui les anges témoignent parce qu'ils négligent l'inclination et la prosternation à recours au soujoud devant le Seigneur des univers, serviteur d'Allah? Le fait de se réveiller très tôt et de sortir du lit pour la prière du Fajr, prière de l'aube est une victoire sur Satan. D'après Jeune de Soufiane, Allah le bénisse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait la prière du matin, il est protégé par un pacte avec Allah dans la vie et dans l'au-delà. Parmi les bienfaits uniques de la prière de l'aube, et qu'elle est une bénédiction pour toi. Tu commences ta journée tôt, tu t'habitues à bien organiser ton temps, et tu chasses la fainéantise de ta vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, bénis à ma nation son lever matinal. Dans l'au-delà, les bienfaits de la prière de l'aube sont plus nombreux que ce que l'on peut compter ou estimer. D'abord, cette prière est une lumière le jour de la résurrection, ce jour où les gens se débattent dans l'obscurité de leurs mauvaises actions. D'après Bouraïd al-Aslami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce à ceux qui marchent vers la mosquée dans l'obscurité la pleine lumière du jour de la résurrection. Ensuite, la prière du Fajr est l'une des clés du paradis. L'un de ses grands bienfaits est qu'elle protège celui qui l'a fait de l'enfer. D'après Imar ibn Ruwayda, Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'ira pas en enfer quelqu'un qui a fait la prière avant le lever du soleil et avant son coucher. C'est-à-dire, il s'agit là de la prière du Fajr et de l'Asr. Et il a encore dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait la prière du matin et du Asr entre au paradis. Le plus sacré de tout ce qui vient d'être dit à propos de la prière du Fajr est qu'elle permet au serviteur de voir son Dieu le jour de la résurrection. Voir Allah, quel moment de bonheur et quelle grande grâce. D'après Ibn Abdillah, le Jalil, Allah le bénisse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit en regardant la pleine lune, vous allez voir votre Dieu quand vous voyez cette lune. Vous n'aurez pas d'égal dans sa vision. Si vous pouvez être assidu à la prière d'avant le lever du soleil et d'avant son coucher, alors faites-le. Bien entendu, il s'agit du Fajr et de l'Asr. Serviteur d'Allah, voilà maintenant quelques conseils pour se lever à la prière du Fajr. Il est vraiment très désagréable, que, au cours d'une khutba du vendredi, il y a eu 4 ou 5 téléphones qui sonnent. Alors qu'il y a une khutba, il y a 2 semaines qui a été réservée au comportement et au bon comportement dans la mosquée. Merci d'éteindre vos portables. Serviteur d'Allah, je disais, voilà quelques conseils pour se lever à la prière du Fajr. Il faut se coucher le soir avec la ferme intention de se lever pour la prière du Fajr. Donc il y a l'intention. Voyez, même quand on les éteint, ils font une boule. Car celui qui se couche avec l'idée de faire la grâce matinée, il ne pourra pas se réveiller pour la prière. Il faut s'alléger. Il faut s'alléger des péchés en se repentant et en demandant pardon à Allah. Il faut se coucher tôt. Il faut être propre. Il faut être propre et lire les invocations d'Allah avant d'aller dormir. Car il faut invoquer Allah le Très-Haut et lui demander de vous aider à vous réveiller le matin. Et quand on invoque Allah juste après le réveil, ces invocations vous empêchent de vous rebouger. Ensuite, il faut se faire aider par les proches et les gens de bien pour faire la prière du Fajr. Les uns peuvent réveiller les autres. Le premier qui se réveille dans la maison réveille le reste des membres de sa famille. On tape à la porte des voisins pour les réveiller. Et par exemple, dans les cités universitaires, les étudiants peuvent les uns frapper aux portes des autres pour les réveiller afin qu'ils puissent faire la prière de l'autre. Il ne faut pas hésiter à utiliser les réveils. Utiliser le réveil, mais il faut le mettre hors de portée de la main. Il faut le mettre loin, à un endroit où on ne peut pas l'atteindre pour l'éteindre. Car lorsque le réveil sort le matin, il nous dérange, on a tendance à l'éteindre et à s'endormir. Il ne faut pas trop manger avant d'aller dormir. Car trop manger rend le sommeil lourd. Celui qui mange beaucoup se fatigue beaucoup, dort beaucoup et perd beaucoup. Enfin, mon frère, ma sœur, toi qui préfères la chaleur du sommeil, toi qui n'entends pas l'appel à la prière qui dit que la prière est mieux que le sommeil, As-salatu khayrun min an-nawm. Tu écoutes avec attention l'appel de Satan qui te dit le sommeil est mieux que tout. À toi, mon frère, ma sœur, nous offrons ces paroles de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'incite aux prières en général et à la prière du Fajr en particulier. D'après Abi Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens savent ce qu'il y a dans l'appel à la prière et dans la prière à la première rangée, ils se bousculeraient pour y être. Si les gens savent ce qu'il y a dans le fait de se lever tôt, ils y accourraient. Et s'ils savent ce qu'il y a dans la prière, dans l'obscurité et du matin, ils y viennent même en rompant. Wassalamu salamu ala rasulillah. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.